fais John. J'étais nul à la batterie. Putain, merde, avec un bon batteur en plus. Bon, je prends ma basse. Non. Thank you. J'aime bien la... La cloche. Hey, clap your hands. Deux cents.